Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, publié en 1918 par la librairie Hachette et Compagnie, première édition 1857. Table des matières. Préface, page 4. 1. Camille et Madeleine, page 5. 2. La promenade, l'accident, page 6. 3. Marguerite, page 14. 4. Réunion sans séparation, page 16. 5. Les fleurs cueillies et remplacées, page 20. 6. Un an après, le chien enragé, page 28. 7. Camille punie, page 33. 8. Les hérissons, page 43. 9. Poire volée, page 56. 10. La poupée mouillée, page 68. 11. Jeannette la voleuse, page 77. 12. Visite chez Sophie, page 86. 13. Visite au potager, page 93. 14. Départ, page 97. 15. Sophie mange du cassis, ce qui en résulte, page 102. 16. Le cabinet de pénitence, page 110. 17. Le lendemain, page 121. 18. Le rouge-gorge, page 125. 19. L'illumination, page 137. 20. La pauvre femme, page 145. 21. Installation de Françoise et Lucie, page 155. 22. Sophie veut exercer la charité, page 162. 23. Les récits, page 177. 24. Visite chez Hurel, page 182. 25. Un événement tragique, page 186. 26. La petite Vérole, page 198. 27. La fête, page 205. 28. La partie d'Anne, page 212. Préface. Mais petites filles modèles ne sont pas une création. Elles existent bien réellement. Ce sont des portraits. La preuve en est dans leurs imperfections même. Elles ont des défauts, des ombres légères qui font ressortir le charme du portrait et attestent l'existence du modèle. Camille et Madeleine sont une réalité dont peut s'assurer toute personne qui connaît l'auteur. Comtesse de Ségur, née Rostopchine.